Une scène qui se passa dans le commencement du mois de mars 1843 va d'ailleurs expliquer les effets produits par la haine persistante et latente de Lisbeth, toujours aidée par Madame Marneff. Deux grands événements s'étaient accomplis chez Madame Marneff. D'abord, elle avait mis au monde un enfant non viable, dont le cercueil lui valait 2000 francs de rente. Puis, quant au sieur Marneff, 11 mois auparavant, voici la nouvelle que Lisbeth avait donnée à la famille, au retour d'une exploration à l'hôtel Marneff. « Ce matin, cette affreuse Valérie, avait-elle dit, a fait demander le docteur Bianchon pour savoir si les médecins, qui, la veille, ont condamné son mari, ne se trompaient point. Le docteur a dit que cette nuit même, cet homme immonde appartiendrait à l'enfer qui l'attend. Le père Crevel et Madame Marneff ont reconduit le médecin à qui votre père, ma chère Célestine, a donné 5 pièces d'or pour cette bonne nouvelle. Rentré dans le salon, Crevel a battu des entrechats comme un danseur. Il a embrassé cette femme et il criait « Tu seras donc enfin Madame Crevel !»